change, on croit que on fait des choix. Mais si tu crains te là, tout près de l'apparence, tremblant de ce qui nous ressemble, on sait bien qu'il est là. On entend la voix, ça revient de ce langue qui s'entend, qui répète, on ne quitte pas. We'll be right back.